Le shirk. Dans la langue arabe, shirk veut dire associé. Ibn Manzur dit shirk, shirka, sharika. Mélange entre deux associés, on dit ishtaraka. Pour dire s'associer, on dit aussi deux hommes se sont ishtaraka. Ou encore tasharaka. Ou encore sharaka. Pour dire se sont associés l'un à l'autre. Mais Allah désigne dans le shirk le contraire de l'islam. Ce qui signifie mettre à égalité avec Allah un autre qu'Allah dans la seigneurie ou la divinité par un acte, une parole ou une conviction. Le prophète ﷺ dit « Le pire des péchés est que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. » Ibn Taymiyyah dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le pire des péchés par lequel on désobéit à Allah, c'est en donnant un associé à Allah. » Allah dit « Certes, Allah ne pardonne pas quand on lui donne un associé, et il pardonne ce qui est autre que cela à qui il veut. » Et dans les deux recueils authentiques, il fut rapporté que le prophète fut interrogé au sujet du pire des péchés. Il dit « Que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. » Et l'égal, c'est-à-dire le semblable. Et Allah a dit « Ne donnez pas d'égo à Allah alors que vous savez. » Et Allah a dit « Il a donné des égaux à Allah pour égarer de son sentier. » Dis « Amuse-toi un court instant avec ta mécréance. Tu es certes parmi les gens du feu. » Et donc celui qui place une créature à l'égal d'Allah dans ce qui n'appartient qu'à Allah, dans la divinité ou la seigneurie, il est mécréant à l'unanimité de la communauté musulmane. Exemple, attribuer à une créature un droit que seul Allah mérite, comme l'adoration, l'invocation, l'offrande, etc. Ceci est shirk al-uluhiyya. Comme par exemple, accorder à un autre qu'Allah une offrande, un sacrifice, la prière, l'invocation, etc. Attribuer à une créature une fonction qui ne revient qu'à Allah seul, comme le pouvoir de créer à partir du néant, de donner la vie et donner la mort, d'interdire et permettre de faire des lois, de trancher des litiges, de connaître le futur et les secrets cachés dans les cœurs, d'exaucer les prières, etc. Ceci est shirk rububiyya. Comme par exemple donner à un autre qu'Allah le pouvoir de connaître l'avenir, de guérisseur, de créateur, de pourvoyeur, de donner, de donneur de vie ou de mort, de législateur, etc. S'attribuer à soi-même un pouvoir, un ou droit qui n'appartient qu'à Allah, comme par exemple se prétendre à soi-même le pouvoir de créer, de donner la vie et la mort, de prédire l'avenir, de légiférer, d'être invoqué, d'être adoré, de trancher des conflits, etc. Ceci est la pire catégorie d'idolâtrie. Celui qui la commet est un tarout. Allah n'accepte aucune action d'un mouchrik, même s'il était ignorant. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Sourate 4, verset 48. Celui qui adore un autre qu'Allah par ignorance ou par erreur n'est pas musulman, car l'islam consiste à n'adorer qu'Allah uniquement. Il ne reste aucun islam lorsqu'on adore un autre qu'Allah. Ibn Taymiyyah dit « Le nom du mushrik est affirmé avant que le message du prophète ne soit envoyé. Car en effet, il donne des associés à son Seigneur et place d'autres dieux que lui et lui donne des égaux. Tout ceci avant que ne soit envoyé le messager. » À partir du moment où l'homme adore un autre qu'Allah, il cesse d'être musulman. Car le musulman est celui qui n'adore qu'Allah et cesse d'adorer un autre que lui. Et même s'il est ignorant, il n'est pas monothéiste, car il adore un autre qu'Allah. Un être humain est soit monothéiste, soit polythéiste. Ibn Taymiyyah a dit, c'est pour ça que quiconque n'adore pas uniquement Allah, c'est qu'il adore forcément un autre que lui. Il est donc idolâtre. Il n'y a pas trois catégories d'êtres humains. Soit il est monothéiste, soit polythéiste. Puis il dit, toute personne ne consacrant pas l'adoration à Allah uniquement est fatalement idolâtre et adorateur d'un autre qu'Allah. Il est en vérité adorateur du diable. Tout fils d'Adam est soit adorateur d'Allah, soit adorateur du diable. Règle. Allah ne punit pas un non-musulman tant que l'avertissement d'un prophète ne lui est pas parvenu. Allah a dit « Et nous ne punissons pas avant d'avoir envoyé un messager. » Sourate 17, verset 15. Cependant, il existe une divergence sur la question de savoir s'il existe des polythéistes qui n'aient pas été atteints par l'avertissement d'un prophète. Ainsi, il y a deux avis chez les savants. Mohamed Amin Shankiti dit « C'est une divergence bien connue entre les fondamentalistes. Est-ce que les idolâtres qui meurent lors d'une période de rupture avec le message des prophètes et qui adorent les idoles, sont-ils en enfer pour cause de leur mécréance ? Ou bien sont-ils excusés à cause de leur rupture avec le message ? Parmi ceux qui optèrent pour la vie que les gens de la rupture sont en enfer, l'imam Nawawi, comme il le stipula dans son commentaire de l'Authentique de Muslim. Et notons que la majorité des élèves sont d'avis qu'il n'existe aucun polythéiste qui n'ait été atteint par l'avertissement d'un prophète. Ceux-ci considèrent donc que toute personne qui meurt sur une autre religion que l'islam mérite automatiquement l'enfer. Mais la vie correcte, et Allah sait mieux, est la vie pour laquelle optèrent Ibn Hazm, Ibn Qayyim et d'autres, qui est que celui qui meurt sur une autre religion que l'islam sans avoir été averti par le message d'un prophète ne mérite pas d'être puni, jusqu'au jour du jugement dernier où il lui sera envoyé un messager de la part d'Allah qui lui ordonnera quelque chose de la part d'Allah. S'il lui obéit, il entrera au paradis, et s'il lui désobéit, il entrera en enfer pour l'éternité. Cet avis est appuyé par le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Le prophète d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit « Il y en aura quatre le jour du jugement. Un homme sourd, qui n'entendait rien, un homme débile, un fou, et un homme qui mourut dans une période de rupture avec les messagers d'Allah. Quant au sourd, il dira « Ô Seigneur, l'islam m'est venu, mais je n'entendais rien. » Le fou, lui, dira « Ô Seigneur, l'islam m'est venu, alors que les enfants me jetaient des excréments. » Le débile, quant à lui, dira « Ô Seigneur, l'islam m'est venu, mais je ne comprenais rien. » Quant à celui qui est mort dans une époque de rupture, il dira « Ô Seigneur, aucun messager ne m'est venu de ta part. » Alors il prendra leur engagement. Il leur enverra un messager qui leur dira « Entrez dans le feu. » Puis le prophète dit « Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, s'ils obéissent et entrent dans le feu, ce dernier sera pour eux fraîcheur et douceur. » Et Allah a dit « Et nous ne châtions personne avant d'envoyer un messager. » Sourate 17, verset 15. Ibn Hazm dit « Quant à celui à qui la mention du prophète alayhi salam n'est pas parvenue, s'il était monothéiste et croyant sur son instinct d'une foi valide, alors il n'encourt aucun châtiment et comptera parmi les gens du paradis. Par contre, s'il n'était pas monothéiste, il comptera parmi ceux qui furent mentionnés dans le hadith auquel le jour du jugement sera présenté un feu dans lequel il leur sera ordonné d'entrer. Ceux qui entreront seront sauvés et ceux qui refuseront seront perdus. Allah a dit « Nous ne punissons personne avant d'avoir envoyé un messager. » Il est donc exact que nul mécréant ne sera puni tant que l'avertissement du messager ne lui est pas parvenu, que la paix et le salut soient sur lui. Ibn Taymiyyah a dit « Le nom du mouchrik est affirmé avant que le message du prophète ne soit envoyé, car en effet, il donne des associés à son Seigneur et place d'autres dieux que lui, et lui donne des égaux. Tout ceci avant que ne soit envoyé le messager. Ces noms sont donc affirmés avant cela, ainsi que le nom de païen et de paganisme. On dit d'une personne qu'elle est païenne avant que le prophète ne lui soit parvenu. Mais par contre, il n'y a pas de châtiment. Ibn Taymiyyah explique que le shirk consiste à adorer un autre qu'Allah, et que ceci peut très bien se retrouver chez quelqu'un qui n'a jamais été averti par le message d'un prophète. Allah ne punira donc pas ce mouchrik tant qu'il n'aura pas été averti par un messager envoyé par lui. Mais cela n'empêche pas que cette personne soit réellement mouchrik et non musulman, même si elle est ignorante. Les points à noter. Le shirk signifie donner un égal à Allah, que ce soit par un acte, une parole ou une croyance. Celui qui commet le shirk librement et par choix ne peut être considéré en même temps musulman, même s'il affirme être musulman. Car le musulman n'est autre que celui qui ne commet pas le shirk. S'il est incapable de savoir que ce qu'il fait est interdit et qu'il meurt ainsi, il sera compté comme les gens qui seront testés le jour du jugement, mais il n'est pas musulman. Cette espèce de gens sont nommés Ahl al-Fitra, les gens de la rupture. Adorer un autre qu'Allah n'implique pas forcément d'être puni, tant que l'avertissement n'est pas parvenu à celui qui s'en rend coupable.